Jules revenu parmi nous. Et comment se va-t-il? Ça fait un bout de temps qu'on ne se connaît plus. 4 jours? Oui, pardine. Et que ça fait heureux de mon plaisir de se revoir au pays de ses pères. Ah, c'est que ça commence à nous peser. On était à se demander s'il ne t'aurait pas arrêté comme otage du côté de Saint-Gall, ou bien pas confisqué pour te montrer dans les ménageries. Un vrai vaudou, pense-tu? Ça doit être rare à voir dans ces coins. Du diable donc, avais-tu tant foutu massé par là-bas? Oh, c'est pas moi qui pense bien, c'est encore un coup de la Louise, à qui ça chantait de se trimballer à travers des cantons étrangers. Moi, je crois, vous me connaissez dès que j'ai eu passé les hauteurs, depuis d'où et que le lac n'est plus à vue. Ça y est, l'ennui me prend, je me languis. Alors vous voyez ça? Mais ces chaînes de femmes, on ne croirait jamais que des créatures humaines puissent être aussi curieuses que ça. J'aurais dû voir la mienne le long de ce voyage. Si je le viens par ici, je le viens par là, je le dis donc, allons voir ce qu'il y a par là derrière. Jules, regarde-moi ce magasin et ce chat, ce pavillon. Allons, Jules, ne va pas si vite, on n'a pas le temps de voir à mesure. Le soir, les yeux leur tomberaient que ça gémit encore de n'avoir pas assez vu. Ah, c'est sûrement pour les femmes qu'ils ont inventé des chemins de fer dans le temps. Parce que nous, les hommes, pour la frénésie de voyage qu'on a, les charabins nous suffiraient encore bel et bien. Ah, m'en parle pas. La mienne s'était-elle pas mis une fois dans l'idée d'aller jusqu'à Soleure? Soleure, que j'ai dit, mais c'est de la fièvre chaude. Tu feras toujours bien de passer d'abord par le pôle Nord pour te voir. Et si je vous disais que la Louise a tenu mordicus à voir la Landsgemeinde d'Appenzell? La Landsgemeinde d'Appenzell? Que toi... La Landsgemeinde d'Appenzell, ni plus ni moins, comme je vous dis. Et qu'est-ce que vous avez été à cette Landsgemeinde? Oh, que voulez-vous? Il fallait bien suivre. C'est elle qui avait les billets dans son sac à main. Oh, mais c'était au moins joli dans ces coins. Bon, poupée, tu sais. C'est joliment du légume vert partout. Et puis leur vache avait cette couleur de papier d'emballage qu'elles ont. Ça fait moins saillant tout de même que nos cimentales avec leur robe parfaite. Mais ce qu'il y a de joli, voyez-vous, c'est ces tapis de petites carrées peintes en rose, en jaune, en violet, qu'on voit guillées sur les pentes, comme qui dirait les rouchers par chez nous. Et puis qui tiennent tout ça au propre, mes amis, qui te salavent au persil, à la brosse à risette, le dehors, le dedans, le dessus, le dessous, dans les cafés. C'est comme je vous l'ai dit, l'ennui vous pose manger sur le plancher, comme ça et net. Et voyez-vous ça, et comment ça range-t-il pour la vigne? La vigne? Mais oui. Ah bon, ami, ils en ont juste un tout petit carré au fin bout du canton, qu'on n'y trouverait pas de quoi boire tous les trois tout un soir. Oh, alors tout est expliqué. Ça ne m'étonne plus qu'ils aient des Landsgemeinde. 120. Comment veux-tu qu'ils fassent de la politique de sorte? C'est bien ce qu'on a vu. La Louise qui se réjouissait déjà d'entendre les discours, même qu'on se disputait déjà à ce sujet dans le train, rapport qu'elle n'a jamais pu se fourrer un mot d'allemand dans le chignon. Ma pauvre Louise, que j'y faisais tout, tu ne veux rien y entendre que du feu et de la paille de fer. Grosse bête que tu es, qu'elle faisait comme si c'était les idées qu'on écoute dans les discours. C'est l'homme. Eh ben, elle a été servie. Il ne s'est pas plus fait de discours à cette Landsgemeinde qu'à une arbre de Noël des sourds muets. Pas possible. Hein? Eh ben, si tu avais ça su, tu aurais pu leur en apporter une brasse dans ta valise. De ceux qui se font de trop d'avancer vos dents. Ah, Dieu, oui. N'empêche que même sans discours, je ne crains pas de le dire. La pièce valait bien tout de même la peine d'être vue. La pièce? Quelle pièce entendez-vous? Mais c'est Landsgemeinde, voyons. Tu es là, comme à l'opéra, s'était bien installé, la Louise et moi, une fenêtre de la couronne, avec un demi de quelque chose sur la tablette. Toute la place devant nous, là, l'église au fond, avec devant le trabuté du gouvernement, quatre belles carrés sur les quatre côtés, avec du joli monde pendu aux fenêtres, des dames de Zurich, des divisionnaires, des conseillers fédéraux, des comtesses à jumelles. Ah oui, et les lecteurs, où les mettent-ils? Oh, par terre, pardine. Oh, vous auriez ri de les voir s'amener, reluquant vers les fenêtres. Des tout petits qui viennent du fin fond des monts, là où les choses ont de la peine à pousser, avec des chapeaux de curé, puis des grands nez qui traînent par terre. Et puis, là, cette boucle d'or à une des oreilles. Et puis, tout ce monde avait son parapluie, puis son coupe-chou, la polie à glace. Des coupe-chou? Que dit-il, là? Ouais, encore. Comme ça, il se battrait des fois au sang, dans les sangs, dans ses lances gremmes, là, ce qu'on m'a dit, ça, c'est déjà vu. Mais pas avec les coupe-chou. Pour se battre, ils mettent leurs coupe-chou de côté, puis se battent avec les parapluies. Mais alors, à quoi servaient-ils ces coupe-chou? Ma foi, j'en sais rien. Je voulais demander à un. Et que t'as-t-il répondu? Quelque chose comme ça. Krakemille, que vous n'y drinkez. Ça doit être en allemand. Et vous avez compris? Oui, c'est-à-dire que j'ai compris sans comprendre que ces coupe-chaux, n'est-ce pas, c'était pour se défendre contre les femmes quand ils rentrent le soir de leur Landgemen avec leurs plumets d'obligés, quoi. C'est que ces femmes sont terribles sur ces monts, paraît-il. Il se raconte que dans le vieux temps, celle d'un seul de ces villages avait démoli 1 million d'ennemis. Ah, et puis alors? Eh bien alors, la pièce commence. D'une carré, vous voyez sortir une pincée de gaillard drôlement accoutrée, comme qui dirait des sangs suisses, mais alors, en noir et blanc, avec des plumes autruches qui leur jatouillent le cou, j'ai pas pu me retenir de rire. Veux-tu bien ne pas rire, Jules, comme a fait la Louise, en me bourrant les côtes? Tu vois bien que c'est du folklore. Du folklore, quand on dit. Du folklore? Folklore? Tu t'imagines là. Le folklore, mais tout le monde le sait. Le sais-tu seulement, là? Bien sûr que je le sais, mais je ne vais pas te le dire là. Alors, c'est que tu ne sais pas toi-même, voilà tout. Comment je ne sais pas? Non, tu ne sais pas. Eh bien, je vais te le dire. Ben, vas-y pour voir. Eh bien, quoi? Eh bien, c'est quand ça rappelle le bon vieux temps, tu vois bien. Ma pauvre bedoum. Et tu croyais que je ne le savais pas? Bien sûr que non. Que oui, que non. Bref, pendant qu'on se chemaillait sous ce folklore, voilà, les cinq Suisses avaient fait le tour de la place avec leur flûte, puis leur tabour. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Le landaman, comme ils disent, qui était monté entre-temps sur une table de serre avec une petite baguette qui se met à mode un chant. Mais un chant, ah mon pauvre syndic, comme tu n'en verras jamais, même quand tu me transcendes toutes les chorales du pays de Vaud, tu te rends compte qu'un 10-11 000 gaillards, ce bras à ma gorge déployés sur une petite place, les vitres qui tremblaient, tout le monde pleurait. Et voyez-vous ça? Mais alors le plus beau, c'est que l'homme avec la baguette, c'était pas le landaman. Comme on a su, c'était le régent. Et alors le conseiller, une fois renommé, remet son tube, rentre dans la ligne, puis on passe au suivant. Après quoi, c'est presque prêt. Il faut encore un petit bout de prière. Tu vois tout à coup ses chapeaux tomber aussi loin que tu vois la place se couvrir de pavés de têtes tendues. Et puis quand le landaman a remis son bicorne, c'est que tout est fini. Puis ce monde s'en retourne comme il était venu, avec son sabre et son parapluie, sans penser seulement à boire la moindre des choses. Pas possible. Voulez-vous? C'est comme ça qu'il sent, n'est-ce pas? Il faut de tout pour faire un monde. Oh, c'est égal. Moi, je ne vois rien tant bien ce système de Landsgemen établir chez nous. La moitié serait déjà crevée de soif, puis l'autre moitié de discourante. En tout cas, prenons nos précautions. Percevoir, syndic. Et à la santé de très tous ces confédérés. Santé. Santé. Santé. Oh, charrette. Maman, tu s'est arrêté. Vous n'aviez pourtant pas une séance de la municipalité hier soir, ou quoi? Non. Même que hier soir, mon gouvernement m'a fait boire une tasse de tisane de taconne. Paraît que je recommelle la nuit et que ça l'empêche de dormir. Ça fait que j'étais bien état de la remonter. Attention, ça dit qu'on commence par une tasse de taconne le soir, et puis 3 jours après, on est au lit avec 40 de fièvre. C'est traître qu'un diable, ces mystiques. Et moi, j'ai maman qui barrette aussi. Je me demande si ce n'est pas cette heure de berne qui les met dans leurs états. Ben, il y aurait de quoi. Ah, vous aussi, vous êtes contre. Pour. Une heure plus tôt, une heure plus tard, c'est pas ça qui veut me déranger. Mais ce qui m'agace, c'est de voir que les gens se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Lorsqu'ils est, voyons, est-ce que ça dépend du gouvernement ou quoi? Mais bien sûr que non. Bon. Seulement, on les a tellement habitués à se pendre à leur redingote à propos de tout et de rien, qu'il leur vient une mentalité de touche à tout. Aujourd'hui, change-le. Ben, l'hiver prochain, ils décideront de remonter le thermomètre pour remplacer le charbon. Mais pardieu! Et dans un paire d'années, vous allez voir qu'on fixera la pleine lune à la proportionnelle. Ah, puis si ça servait à quelque chose, on passe encore, mais voilà. Quand on pense qu'il y a bientôt 10 ans qu'ils ont rajouté 12 heures par jour. Hein? Oui? De 13 à 24. Résultat, pas plus que 2 poils dans ma main. 14h32. Est-ce que ça vous arrive, Réjean, de vous dire qu'il est 14h32? Eh non, vraiment pas. La nuit de 2h vient de frapper, ça me suffit. Alors, c'est comme si on se mettait à manger des schnitz pour nos 16 heures. Nos 16 heures. Ah, oh, ça serait du français. Moi, je me dis que le temps, les saisons, tout ce commerce, on a ça dans le sang. C'est plus fort que nous. Et le gouvernement n'y peut rien sans rien. Avouez tout de même que pour les horaires, c'est une chose. Tu n'as mouru du tout. Les horaires, on est plus difficile de les lire. Hein? On fait une règle de 3. Et puisqu'ils sont là pour nous, bien si c'est les hommes qui sont venus au monde pour apprendre à les lire. Mais évidemment, si ça vous blesse tant que ça, il vous faut prendre le taureau par les cornes et faire comme ceux de ce village de Suisse allemande qui ont refusé de se mettre à la nouvelle heure. Et pourquoi pas? S'il est passé, ben t'inquiète pas. Mais il y a du compte. D'abord, que tout le monde ne serait pas d'accord. Ah oui, et j'en connais. Le Godier, lui, s'il pouvait avancer sa montre tous les matins de 2 heures, quitte à la retarder le soir, il trouverait encore qu'on perd du temps. Est-il si zélique, ça, le Godier? Pour lui, 10 heures par jour lui paraîtrait suffire, j'en suis sûr. Mais c'est pour les domestiques. Ou alors, un de ces domestiques nous raconte un jour, enfin, lundi matin, 4 heures, le Godier était déjà en train d'y tracer après un criant. Dépêche-toi dans le sens, c'est déjà après-demain mercredi, et tu n'as encore rien fait cette semaine. Mais puisqu'on parle de 7 heures, ne croyez-vous pas qu'avec ces soirées rallongées, on pourrait essayer de faire 2 ou 3 répétitions de la société de chant? Répétitions? Croyez-vous? N'insistez pas. D'après votre enthousiasme, je mesure celui des autres membres. Je me demande s'il vaut la peine d'avoir une société. En hiver, on ne répète pas à cause de l'obscurcissement. En été non plus. Il faudra bien tirer la chose au clair, sans ça. Gare au prochain concours. Ah, justement, puisque vous en parlez, Régent, c'est ce concours qui nous embête. Bon, n'y allons pas. Mais pas question. Qu'est-ce que diraient les autres? Oui, on ne va pas jusque-là, mais... franchement, Régent... Ces chants qu'on a commencé d'apprendre, on ne peut pas s'achanter. On est là qu'on se force, comme si on avalait des cailloux. Oh, vous assure, rien n'est plus simple, il n'y a qu'à se laisser aller à chanter naturellement. Je me tue à le dire à chaque répétition. Pardieu! Seulement, monsieur le régent, si on vous disait de faire un discours en allemand, et qu'on vous dise de parler naturellement, vous pourriez... D'où, monsieur, vous qui vous faites des idées, ce n'est pas de l'allemand qu'on chante. Non, c'est pire. Oh, tu meurs, comme on dit. Parce que ça a l'air du français que pour nous, c'est quand même un étranger. Ah, ben, tenez, voyons. Le chant qu'on a ressorti, qu'on avait chanté au concours de la cantonale il y a un paire d'années. Oh, lila, douce fleur que sa main m'a donnée. Sa main, ou plutôt son amour. Oh. Vous prétendez que nous, on peut dire ça naturellement? Évidemment, si vous allez jusque-là, c'est... Oui, qu'on va jusque-là. L'autre soir, je regardais le gros Nicet des Pierrettes. Un gaillard, n'est-ce pas, qui vendrait sa femme au marché noir sans coupon, qui n'a pas plus de sentiments qu'un carré de colza, que sa vie dure, elle n'a même jamais regardé une fleur, il était là à chanter... Sa main, ou plutôt son amour, en faisant une bouche en coupeur de poussin et en roulant l'air de la fin. Amour! Ce qui n'empêche pas que c'est notre meilleur ténor. Et puis, même sans aller dans les extrêmes, nous, on a autant de sentiments qu'un autre. Mais si je parlais à la Louise d'une autre fleur... Que sa main t'aurait donné... Sa main, plutôt son amour. Quelle fréquentation as-tu ces temps pour causer comme une comtesse ou une gourgandine qu'elle me ferait? Non, franchement, on peut possible qu'on vit depuis de ça, chanter naturellement, mais nous, bien dit que c'est pour chinois, patois de canard et compagnie. Mais ça ne n'est pas de la langue. Et vous m'amusez avec vos gens des villes. On jurerait à vous entendre qu'ils sont faits autrement que nous. Bien sûr que non, bien sûr que non, qu'ils sont pas faits autrement que nous. Poupon, que tu sois ton policier ou chef de police à Lausanne, c'est tout ma mère m'a fait. Mais vous n'allez pas nous dire qu'ils ont les mêmes manières que nous, quoi. Évidemment pas. Dans mon idée, les gens de la ville, ce qui les forme, c'est que depuis tout petit, ils apprennent à se retenir. Regardez leurs gamins. On les voit qui marchent comme des images à côté de leur maman, qui ferait un contour pour ne pas marcher dans une bouse. Eh bien, tu peux faire le tour de Lausanne en long et en large sans rencontrer un seul qui soit assis par terre. Juste. Et puis quand on voit les femmes qui dansent, on comprend qu'ils sont obligés de s'habiller du dimanche. Pour leur faire des déclarations. Écoutez-moi ça, le caviste. Oh, vous devriez le voir, quand il est à Lausanne, il devient rasé. Est-ce que la dernière fois, il ne voulait pas à tout prix qu'on aille se fourrer dans un théâtre? Je vous vois, Cavi, assis devant un guérison et vivant une portion de tipsine. Oh, on n'a rien sans rien. Je trouve que ces jolies perlettes qui se tiennent en ville valent bien qu'on se force à boire de la tisane de temps en temps. Mais quoi? Est-ce que ceux de la ville ne viennent pas le dimanche pour admirer nos campagnes? Alors moi, j'aime bien aller en ville de temps en temps pour regarder leurs plantations. Et puis tu ne montreras pas de l'idée que dans un théâtre, quand ils sont là tout en temps avec une tasse de thé à la main, c'est un peu comme dans un jardin, une belle plate-bande de daïa au petit matin, avec de la rosée sur les pétales. Mais ça n'empêche que le régent reste là. Il n'y a que les dehors qui changent. Mon cousin qui est régent à Lausanne et qui a marié une fille de là-bas, si je lui disais que sa femme est une fleur avec de la rosée sur les pétales, il se demanderait si je suis en train de barasser. Alors, une fois le chapeau à lever, elle devient comme toutes les autres, aussi brave et aussi crouille que celle d'ici. Et je te parierais qu'il y en a ces fluettes, ces bariolées qui vous rossent le rhum avec autant de verdeur que la Julie au charron. Et ce qu'il faut une fois de plus, que la bille, c'est pas le moine. Ouais, ouais. Mais aussi que chaque oiseau a sa chanson. Alors, si ceux des villes veulent absolument chanter des fadettes pour se faire la main, moi je trouve qu'à la campagne, on devrait chanter des chants plus naturels. Je dis, parce que votre lila que sa main m'a donné. Comme ça chante, on jurerait du lila artificiel. Et puis, le lila artificiel, faut s'en donner aux dames de la ville pour leur chapeau. Nous, on a la chance d'avoir le vrai, on le garde. Parfaitement. Vous voulez qu'on chante naturellement? Eh bien, on va vous en chanter une comme on les aime. Une qui se chante comme on en cause, là, et puis vous serez contents d'aller voir. Quand nous allions tous deux au monde des amoureux, perdus sous la ramée, tombera ma bien-aimée. Regarde-moi, regarde-moi, Fanny, regarde-moi la peinture. Toute pétrie qu'elle soit de vertu. son péché mignon. Oh, qu'est-ce que tu me dis là, pouette comme elle est. Faut-il que les hommes soient plus gourmands tout de même. Oh, Bouillou, c'est pas de ça que je te parle. C'est pas une homme, c'est son chien. Oh, alors son chien, faut dire c'est une belle bête. Là, oui, oui. Intelligente et affectueuse et tout. Il lui manque que la parole. Oh, vous faudrez entendre quand elle parle à ce bestiole. Si nos femmes parlaient de nous comme ça, on ferait l'arc en arrière en traversant le village. Eh, c'est curieux comme les femmes et les bêtes sont faites pour s'entendre. Je vois la mienne avec ses chats. Tout miel et tout sucre. Même que les jours où elle est en furie, elle est obligée de causer à deux voix toute la journée. À deux voix? Vous devriez la prendre à la société de chats, Régence. Une voix pour moi, puis une voix pour le chat. Puis je vous garantis qu'elle ne s'est pas trompée une seule fois. Qu'est-ce que tu fais encore à traîner par cette cuisine? Pas moyen de faire un pas à rencontrer ton couple? Non, pauvre mine. Voilà que je te dérange encore pour ouvrir le buffet. Là, je te remets sur ton joli petit coussin. Bien gentil. Qu'est-ce que tu entends dans les terres? Que les bêtes viennent t'appeler, quoi? Petit minet, si tu savais ce que les hommes sont fainés. Pas besoin de la garder pour savoir à qui elle cause. Mais le chat, je vous garantis qu'il se croit qu'il y a deux femmes par la cuisine. Vous avez moitié autant d'indulgence pour les hommes que pour les bêtes. On n'aurait plus qu'à nommer Saint-Pierre au Conseil d'État. Et le canton de Vaud deviendrait le paradis. Il faut reconnaître aussi que les bêtes sont bien gentilles. Tenez, la peintière. Mais s'il avait un mari, il serait dans le cas de boire, tandis que le chien... Le chien, il ne boit pas, il mange, ça encore pire. Enfin, tout de même, tu ne veux pas l'obliger à crever de faim, Cabot, quoi. Mais si elle ne mangeait que du poulet, il y a de la marge. Du poulet? Du poulet au tiolu encore. L'autre jour, je m'amène ici, enfin. Je trouve le tiolu qui sortait, raide comme un plastron, avenant comme le président du tribunal quand il ouvre la séance. Qu'est-ce qui se passe par là que je me fais? J'entre. Et voilà la patronne qui se met à pleurer. C'est ça le poule qu'elle me dit. Elle fait exprès de se faire manger par les chiens pour amener des histoires. Quand je pense que mon pauvre chien est la douceur personnifiée, et voilà qui se met après les poules au tiolu. C'est pas naturel, vous n'allez vraiment pas donner l'idée. Bien moi, je comprends le manège du tiolu, L'autre jour... Je passais derrière chez le tiolu, là, à travers près. Il était là qui faisait des amusettes à ce chien de la peintière. Il le caressait, il lui lançait des pierres que l'autre allait ramasser. Une paire d'amis, quoi. Moi, ça m'amusait, puis en un sens, ça me faisait plaisir. Oh, c'est l'empire crapule que je me disais, mais il a encore des bons sentiments. J'aurais jamais cru que le tiolu puisse être si affectueux, même avec un chien. Bon, ça les regardait. Comment ça s'est-il fait? Je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'un moment après, j'avais une poule qui courait à s'encouper dans son bec, et puis le chien qui lui traçait après. Que naturellement, la denaille n'a pas eu le temps longtemps à se trouver mise à travers dans la gueule du loulou, hein? Le tiolu est arrivé, il a pris la bête, et puis fini. J'arrivais juste au contour, là où la haie bouffe la vue. C'est pas pensé plus loin. Même que je me suis dit, pour une fois que tu as oublié d'être couille, bah il lui a peur. J'avais des choses comme ça, on va les dénoncer. Pourquoi faire? Pour le principe. Pour le principe, ça veut-il faire revenir les poules? Non, mais... Alors, ça ne changerait rien. Sauf que pour trois bêtes un peu trop bien vendues, j'en aurais pour 15 jours à écrire des paperasses à me traîner comme témoin un moment de l'année où le travail ne manque pas. Quoi? Pas d'histoire. Surtout qu'en un sens, c'est juste. Juste? Parfaitement. Les avares trouvent toujours quelqu'un pour les déranger dans leurs calculs. Un mari, un avocat, un fils. Ben, elle, c'est son chien, il n'y a pas de quoi se formaliser. Non, bien sûr. Mais c'est là qu'on voit que la guerre nous fait plus de tort qu'on ne croit. Avant la guerre, les vieilles poules, on pouvait toujours s'arranger pour les expédier sous une auto. Le conducteur payait, puis tout était dit. Tandis que maintenant, on va être obligé de se faire de ces crasses entre gens du village. Bien dit, si cette guerre continue, on se demande ce qui va rester de moralité par le monde. Santé. Et à la santé de nos bons parents Mayor de Verrier. Santé. Eh bien, je crois que pendant qu'il reste encore un brin de moralité, il faudrait profiter de l'entrée. Là, oui. Nourrir un peu ces plus ceux qui doivent s'impatienter. Certes. Alors, bonne nuit. Il va pas rêver en Appenzellois qu'en vite. Ça fait trancher le blanc. T'inquiète pas, j'ai déjà tout ça oublié. Bonsoir, Régin. Bonsoir, Camiste. Et dans 15 jours. À la lumière. Écoutez l'histoire, il n'avait que 17 ans. D'un pipe, écoutez l'histoire, il n'avait que 17 ans. Et la musique et la gloire étaient tout son passe-temps. Et son pipe, pipe, pipe, et son pipe allait gaiement. Et son pipe, pipe, pipe, et son pipe allait gaiement. Et son pipe allait gaiement. Il plut à la colonelle un jour qu'elle le regardait. Il plut à la colonelle un jour qu'elle le regardait. Voulut la voir auprès d'elle, le colonel fut satisfait. Et son pipre, pipre, pipre, et son pipre allait gaiement. Et son pipre, pipre, pipre, et son pipre allait gaiement. Et son pipre allait gaiement. Du pacha les 300 femmes, un jour le pipre écoutant. Du pacha les 300 femmes, un jour le pipre écoutant. Leur chanta sur toutes les dames son répertoire amusant. Et son pipre, pipre, pipre, et son pipre allait gaiement. Et son pipre, pipre, pipre, et son pipre allait gaiement. Et son pipre allait gaiement. Le pacha qui était sévère quand il sut l'événement. Le pacha qui était sévère quand il sut l'événement. Ordonna dans sa colère de confisquer l'instrument. Et son pipre, pipre, pipre, et son pipre allait gaiement. Et son pipre, pipre, pipre, et son pipre allait gaiement. Et son pipre allait gaiement. Thank you. De pas mes pornicler avec votre plume. Vous êtes là que vous faites de ces gestes. Surtout que de ces yeux, on en a déjà pas de sang. Mais pour ce qu'il y a à voir aujourd'hui, on en a toujours assez. Ta-ta-ta-ta, moi au contraire, je suis en train de refaire un apprentissage pour faire les yeux doux. Hein? Alors avec deux, c'est la meilleure façon qu'avec un seul. Eh, mon Dieu, ça dit que fais attention. As-tu t'as déjà pas assez d'embêtement avec ta politique si tu te mets encore à faire le joli cœur? Tu veux être débordé? Ah, pas de danger que je m'emballe. Je n'ai plus l'âge. On est toujours l'âge de faire des folies. Dis, syndic, est-ce qu'on la connaît au moins? Qui ça? Celle qui te fera passer l'examen de fin d'apprentissage. Parce que je pense bien, je n'en ai pas pour ton armoire à glace que tu as fait. Par Dieu, bien sûr que vous la connaissez. Un tendon, fille? Wouah, tendon, ouais, je t'en peux dire. Mais enfin, la bonne façon. Du reste qu'à vite, tu lui as assez couraté après. Moi? Ouais, toi, on ne fait pas tant à sucrer, allez. Quand on a distribué la vertu, tu as juste payé ton écho, tu sais tout juste. Mais comment ça que j'ai couraté après? Il y a de ça 26, 27 ans. Oh, alors ça dit que c'est plus grave que je ne pensais. Tu veux pas essayer de nous faire croire que tu te mets à faire les yeux doux à ta femme? Et pourquoi pas? Après tout, c'est vrai, pourquoi pas? On pourrait plutôt demander pourquoi, quand il arrive une chose pareille. Mais il faut bien une raison. Il y a une raison. Oui, mes amis. C'est qu'on s'est marié le 10 juillet 1917, ce qui fait 25 ans juste vendredi prochain. 25 ans de mariage? Et moi qui te prenais pour un gamin. Oui, ben, ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Ma femme, elle, c'est tout juste si elle ne m'envoie pas au lit avec une taloche. Si je la laissais faire, mais je vous parie qu'elle m'achèterait un de ses petits habits avec un col marin comme on en avait quand on était petit. Ça dit que tu me fais penser à une jolie histoire de gère. Bah, dis donc, Caviste, tu pourrais être poli. Mais c'est pas de ta maman que je cause, voyons. Je voudrais pas te gâter ton anniversaire. Non, c'est d'une vraie gère. Une mythe, quoi. Qui élevait ses enfants à la chambre, chez le régent. Oh là là là là là là là, surtout ne le dites pas à ma femme. Sans ça, on en a pour 3 jours à pire d'herbus. Bref, elle les ménage à midi dans la pèlerine au régent. C'est de l'article solide, tout laine et tout. Mais ces petites gères, ne trouvaient pas bon. Elles faisaient la grimace. Il y en avait une qui disait que ça sentait le rogomme. Une autre que c'était bourratif, Dieu sait. Ça fait que la maman furieuse leur montre la robe de chambre de la régente. Et elle leur dit, mes enfants, c'est à vous de choisir. Si vous ne mangez pas cette pèlerine, vous n'aurez point de crêpes de Chine pour le dessert. Eh ben, celle-là, je la raconterai à ma femme. Si seulement ça pouvait la remettre de bonne avec Émile, ça serait autant de repos de gagner. Ça fait que tu lui fais de l'œil à cette Mélanie. Et ça te vient-tu facilement? Eh bien, pour dire vrai, on a un peu désappris. Enfin, heureusement qu'on a eu cette éclipse l'an dernier. Je l'avais regardé un moment en piquant de l'œil et ça m'a un peu redonné le geste. Et comme effet, c'est rond? On le voit ça d'ici, et ça n'aperçoit même pas. Que oui, qu'elle s'en aperçoit. Oh, ça, je vous en garantis. Ce tantôt, je traînais par la cuisine, là, après le dîner, et puis, justement, je s'en ruminais un peu. Ça fait que, machinalement, j'y ai donné une petite claque sur l'épaule en passant. Et alors? Alors? Eh bien, comme elle ne s'y attendait pas tant, ça lui a fait lâcher la soupière qu'elle était en train de laver. Si c'était de la musique que je voulais, ben j'ai été servi en première. Gros boulot qu'elle me fait. Elle ne peut même pas regarder où ça marche. Et puis, quand on est fondu au tonneau dès le petit matin, qu'on réveille le coq en claquant la langue, rien d'étonnant si on voit déjà trouble à midi. Oh, pauvre ami. Et vous lui avez expliqué? Hein? Expliquer quelque chose à la Mélanie pendant qu'elle dévite son écheveau, eh ben c'est comme si on voulait en plein orage allumer sa pipe à un éclair. Ou bien on rate son coup, ou alors on y passe tout entier. Non, non, non. Je me suis dépêché de sortir de cette cuisine. Ça fait effet parce que ce soir à souper, elle ne disait plus rien. Même qu'elle ne m'a pas adressé la parole. Alors comment est-ce que vous allez fêter ça? Je n'en sais pas rien. Son idée à elle, ce serait d'aller faire un tour par Interlac. Un voyage de noces? Ah, vous ne croyez pas si bien dire. En 17, quand on s'est marié. À cette époque, pas question de voyage de noces, vous vous souvenez, hein? Avec qu'on avait décidé d'attendre la fin de la guerre. Il y a eu 18 et puis 19. Que bref, quand on aurait pu partir, mon aîné n'était pas tant loin de respirer. Qu'on n'aurait pas pu faire un voyage de noces comme ça, ça aurait eu mauvaise façon. C'est suisse allemand. J'aurais tout de suite dit que les Belges n'ont pas de conduite. Alors ce voyage de noces, on l'attend toujours. Au fond, tu as eu une existence monotone. 2 guerres mondiales et 25 ans de mariage pour faire la liaison. Probable qu'une armistice te prendra un peu au dépourvu. Eh bien, il vous faut aller faire ce tour. Oh. Et qu'est-ce qui vous en empêche? Si est ça, vous ne savez pas que j'ai peur de voyager, non, mais... À nos âges, vous savez, on aime bien rentrer le soir chez soi. Les hôtels, moi par exemple, le soir avant de me coucher, ben, j'aime bien aller par la cuisine et puis ramasser ce qui traîne par le buffet. Hein, rien de lard, de la moutarde, 2-3 verres de piquette, enfin moins que rien, quoi. Allez ça faire dans un hôtel, hein? Oh, ça c'est rue de vrai. Et puis d'être gouverné par ces larbins qui vous enlèvent les assiettes à mesure, ça me grumille. Oui, mais il y a les avantages, les montagnes. Oh, les montagnes, moi... Quand on m'en aura apporté une qui commence l'ascension par un haut, ben je ne dis pas. Mais comme elles sont maintenant... Et puis il y a autre chose qui m'embête. Vous savez ce que c'est que les femmes, n'est-ce pas? Elles ont vite fait de croire qu'elles entendent plus que nous sur tous les sujets. Comment? La tienne aussi? Moi qui croyais que j'étais tombé sur une exception. Alors? Alors voilà. N'est-ce pas, on fait ce qu'on peut pour se remonter dans leur idée. Alors moi, j'ai toujours dit, ou sans dire, enfin, j'ai plutôt laissé entendre, que je cause l'allemand comme un de Berne, même si on veut avec l'accent rien plus pur. Hein? Ça fait que là-bas, on verrait bien que je n'en sais plus un mot. Je me dis que ça ne vaut pas la peine de rester marié 25 ans pour perdre d'un coup le peu de considération qui me reste. Ouais, t'inquiète, elle s'en rappellera même plus. De quoi? C'est ce qui te trompe. Même que quand j'ai voulu lui expliquer que l'allemand, ça se perd un peu, elle m'a fait... C'est tout simple, mais c'est comme d'aller en vélo. On croit qu'on ne sait plus, et puis rien que de remonter sur un, ça repart comme si on avait fait ça tous les jours. Pour moi, elle se méfie, et puis ce voyage, ça sera un vrai examen. Ouais, oh, bien sûr, c'est à considérer. Mais dis-moi, d'ici vendredi, tu n'aurais pas le temps de l'apprendre, l'allemand? J'y ai pensé. Mais avec cet ouvrage qu'on a ces temps, on n'est pas foutu de trouver une minute. Enfin, on verra. Hein. On verra. On verra que vous irez à Interlaken. Oh, bon, puisque la Mélanie le veut, c'est comme si tu y étais déjà. Mais on ne sait jamais. Bon, les noces d'argent, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Alors ça se pourrait que pour une fois, je réussisse à renverser les rôles. Dites-moi, Régent. Vous qui êtes instruit. Hein? Comment vous expliquez-vous que tous les mâles connus, l'homme soit le seul à se laisser damer le pion par sa femelle? Hein? Sont-ils le plus malines que les autres, ou bien si c'est nous qui sommes les plus bêtes? Il y en a quelque chose qui m'a toujours échappé, parce qu'enfin, il n'y a pas d'erreur. On n'a jamais vu une poule flanquer des beignets un coq. Et du haut en bas de l'échelle, c'est comme ça, jusqu'au bourdon qui se promène en tournée d'inspection pendant que les abeilles gagnent leur vie. Ça dit qu'on est là, qu'on s'échine toute la vie durant, et qu'en plus on tremble dans nos tôtes dès que les femmes font mine de vouloir allonger la pote. Il y a sûrement un livre qui explique ça, ou quoi? À vrai dire, j'entrevois plusieurs explications. Oui, oui, alors n'en parlons plus, parce que quand un homme instruit commence par dire qu'il y a plusieurs explications, c'est qu'il n'en sait pas plus que les autres. Il phrasote. Peut-être bien, après tout, je n'y étais pas à la création. Ça dépend, parce que moi, le serpent, quand il faisait ses grâces à Ève, je lui vois le même regard qu'à vous, quand vous mijotez une période. Enfin bref, des explications. Mais il y a d'abord un fait essentiel, c'est que contrairement à ce qui se passe chez les autres animaux, la femme est plus belle que l'homme. Que non, c'est en général les plus pouettes qui sont les plus crouilles, ce qui fait que votre explication ne tient pas debout. D'abord, et puis que les femmes soient tellement plus belles que nous, ça c'est encore un de ces bruits qu'elles ont fait courir un temps, et qu'on a pu repenser à vérifier. En fait, où prendre? J'aime mieux voir défiler un bataillon de carabiniers qu'une société de vaudoises en costume, l'un dans l'autre. C'est la meilleure façon, quoi. Il y aurait aussi qu'elles ont la voix plus perçante, contrairement à ce qui se passe dans les autres espèces. Ça serait déjà une explication plus approchée. Il y a une autre chose à considérer. C'est que la femme exerce son pouvoir dominateur. Dominateur, ça c'est un peu dire. Bon, puisque personne ne nous entend, autant appeler les choses par leur nom. Vous disiez que la femme n'exerce son pouvoir dominateur... Que dans les pays où les hommes sont monogames. Les polygames cloîtrent les femmes dans un harem et tout est dit. Ce qui fait que plus il y en a, moins on a peur. Ça se complique. Que non. C'est comme les puces. Nous, quand on en a une, on ferait la pièce droite pour toucher l'endroit où elle gratte. Tandis que les chiens qui en ont des centaines, ils s'en aperçoivent même plus. Comme vous voudrez. Eh bien là, je crois bien qu'on touche le fond de l'affaire. C'est cette manie de propriété qui nous a mis dedans. On a voulu avoir chacun une femme à soi, on en est prisonnier. Comment ça? Ben c'est comme de tout. Les sauvages, par exemple, ils ne faisaient pas tant de cheveux pour leur terrain. Quand un pré était brouté, en du petit, partait le suivant. Tandis que nous, dès qu'on a acheté une vigne, qu'on en paye les hypothèques et tout, on en devient comme l'esclave. Toute notre vie qu'on passera à l'ouvrir, à la fumer, puis Dieu sait quoi. Très vrai. Oui. Surtout que c'est cette habitude qui a créé les fiançailles, et c'est là que le mal se fait. Sacré caviste, va. Si tu ne t'en étais pas mêlé, la Mélanie serait moitié plus souple. Pensez-moi, Régent, on était là les deux à les tracer après, alors comme de juste, c'était à qui lui faisait le plus de compliments, le plus de chatteries, de mots doux, etc. Et comme déjà en ces temps-là, tu étais plus mentor que moi. Tu as gagné haut la main. Juste. Ah, n'empêche qu'on est là, daubé, et puis comme toujours, on exagère. Bien sûr qu'on exagère. Sans ça, à quoi ça servirait-tu de cause? T'as raison. Mais je crois qu'on a tort de chercher l'explication du côté des femmes. Je parierais qu'on y est bien pour quelque chose. Ah, comment? Imaginez-moi qu'au lieu de vivre dans des poulaillers, de se coucher de bonne heure et tout, les poules et les coqs se mettent à se civiliser. Les poules resteraient à la maison pour torcher les perchoirs et pousser les mangeoires. Et les coqs se rôderaient toute la sainte journée à la recherche de nourriture. Bon, et après? Et imaginez-vous qu'un coq plus malin que les autres, qui aurait les côtes en long, se dise « Moi, ça m'embête d'aller tout le jour courater ces vers de terre pour la maman. Je m'établis au bergiste, puis j'attends les clients. » Il fait comme il dit, il prend patente, puis il ouvre sa pince. Et quelques jours plus tard, ne voyant plus leur coq rentrer si tôt que d'habitude, les poules, tout inquiètes, s'amènent et trouvent leur gaillard en train de jouer des poutres à un grain de blé la coche. Même qu'une s'aperçoit que son coq est en train de regarder la poule au pintier avec un drôle d'air. Compris. Tu vois que c'est mon explication qui est la bonne. Je garantis que ce jour-là, les coqs ramasseraient leur première défiée de leur existence. Et que dès le lendemain, ils commenceraient à marcher droit. Ce qui ferait que les hommes seraient bien obligés d'inventer les assemblées, les congrès, la politique pour pouvoir sortir le soir. Et voilà une question résolue. Ce qui nous a mis dedans, c'est la civilisation. Ce qui fait que c'est à prendre en bloc ou à laisser. Eh bien, moi, tout compte fait, je suis pour le statu quo. Oh Dieu, surtout qu'après tout, les femmes, malgré tout leurs travers. Et puis, nous en avons nous aussi des travers. Oh, quand même moins. Alors, elles ont quand même leur rue de bon côté. Regardez le caviste. S'il n'était pas tombé sur une femme d'attaque, quel arceau il serait donné. Montez, montez, montez. Le village devrait lui élever une statue à la femme au caviste. Mais dites-moi, puisqu'on en est à parler de ça, pourquoi diable ne pouvez-vous pas passer une journée sans dire du mal de vos femmes? Est-ce une manie? Parce qu'enfin... Vous n'en pensez pas la moitié. Ma foi, vrai que le régent ne me dit jamais 250%. Ce que c'est que d'être original, tout de même. Non, ce n'est pas de l'originalité, c'est du manque d'hygiène. Eh bien, voilà une explication inattendue. Pas du tout. Voyons, franchement, nous les trois, hein, pour un quart d'heure qu'on passe ensemble de 15 en 15 jours, ça nous arrive plus souvent qu'à notre tour de n'être pas d'accord. Oh, ce qui ne nuit pas à l'amitié. Au contraire, parce qu'on s'explique à mesure. Alors avec nos femmes, si on restait 25 ans ensemble jour et nuit et qu'on soit toujours d'accord, on serait des saints. Ouais, et c'est probablement pour ça que les saints restent en général garçons. Ça leur simplifie la besogne. Voilà. Moi, je me dis que le mariage, c'est comme une grippe. Vous vous sentez un beau jour un peu mal à votre guise. Vous prenez deux ou trois tasses de tisane, un cataplasme, et tout est dit. Le lendemain, c'est remis. Tandis que si vous vous obstinez à ne pas vous soigner, hein, ça va trois jours, une semaine, 10 jours, bon. Et puis, brusquement, vous voilà raide dans votre lit avec des fièvres de cheval, 10 francs de docteur, 3 fioles de pharmacie et des complications au bout. Dans le mariage, si on restait tout le jour à ressasser nos petites liaisons dedans, le fiel s'y mettrait, et puis un beau jour, grand, prise de bec, un jour grave, les complications vous mener droit au divorce. Manque d'hygiène. Tandis que la santé, ben c'est justement de faire sortir les humeurs petit à petit, là, jour après jour. Parfaitement. Seulement, chacun sa méthode. Les femmes, là, on a la maison que ça fait un bruit auquel on n'a pas même plus garde. Comme un meunier n'entend même plus que sa roue graisse, tellement qu'il a ça dans l'oreille. Et nous, les hommes, on se soulage dehors, en trop. Notre trop plein de bile s'en va avec les trois dessus. Celui des femmes coule par les gouttoirs de la cuisine, ce qui fait que, bon an, mal an, on arrive à se regarder en face sans provoquer une explosion. Oh Dieu! Et qu'on arrive à 25 ans de commerce, tout prêt à renouveler le bail pour une durée égale. C'est du reste pour tout la même chose, régent. Regardez en politique. Si tous ceux du village qui me criaillent contre votaient contre moi aux élections, ben, il y a pas vieux temps que je serais plus syndic. Par te voir, on n'arriverait plus à se tenir un syndic au-delà d'une législature. Juste. Le bon du système, c'est qu'ils ont 4 ans pour ronner, et puis quand les votes arrivent, ben les voilà tout de bonne, contents de la municipalité et tout. On jurerait en courant vagabond. Voyez-vous, de trop se retenir, les gens ont sauté. Et quand tout est en cupesse, ben les voilà bien avancés. Alors, monsieur le syndic, en l'honneur de votre anniversaire, je vous propose de chanter ce soir quelque chose de sentimental. En avant la petite fleur bleue. Bonne idée, parce que le mal des femmes, on le dit. Tandis que le bien, On le chante. Oh, on en dit plus de mal qu'on en pense. Et on en chante plus de bien qu'on en pense aussi. Ça rétablit. Allez, Anton. Et ce soir, pour arriver à rétablir, il nous faudra au moins deux verses. Alors, n'attends pas trop haut, comme l'autre fois, qu'on puisse te suivre. Allons-y. Quand nous allions toutes au vent des amoureux, perdus sous la ramée, ton bras m'a bien aimé. Dis donc, Carvis, il me semble que tu fais une drôle de faute. Oui, te serait-il donc arrivé quelque chose? Aurais-tu des fois rencontré le receveur en route? Ma foi, non. Le receveur, tu sais, à celui-là, j'ai déjà tout donné. Comme ça, il ne me peut plus rien. Ah, tu crois? C'était vrai pour avant, tant qu'il ne vous prenait rien de plus que le caleçon et la chemise. Mais je me suis laissé dire qu'ils étudiaient la question à l'état. Ils ne pourraient pas bientôt nous prendre aussi la peau. La peau? Voyez-vous ça? Et que compte-t-il faire, alors, de toutes ces peaux du canton? Juste, des serviettes pour les fonctionnaires, des sacs à main pour les demoiselles des services auxiliaires. Tu devrais bien te méfier, toi, de finir quelques jours tambour dans la gendarmerie. Oh, moi, tu sais, ça ou autre chose, pourvu qu'il ne me laisse pas trop mouiller à la pluie. Je me parle. Ah, c'est égal. Mais t'as vu, moi, qu'on ne veut jamais être tranquille tant qu'on n'aura pas supprimé cette race des receveurs. Et moi, je me demande qu'a bien fait 26 artistes. Toujours pas moi, bien sûr. Au lieu que ça, on ne serait pas là à se creuser tout le temps la tête pour trouver le moyen de flibuster l'État. Ma confiance régnerait ou pas? Voyons, l'État n'aurait qu'à dire, pour telle ou telle date, il me faut tant et tant. Arrangez-vous entre vous pour me s'en procurer. Tu verrais ces billets sortir des arrière-tiroirs, ces écus sortir des cheminées et rouler vers Lausanne. C'est à qui s'encouragerait à donner le feu? Tandis qu'avec le receveur, ce n'est pas qu'on soit malhonnête, mais on serait chagrin de ne pas l'engueuser d'un père de frère. C'est comme disait l'autre. Un frère de gagner sur le receveur, c'est deux francs dépensés à la peste. Je vois que tu en as rue demain au receveur, ce soir, ça dit. J'ai sans doute rien pensé à ton vous. Oh, moi que rien, mais je m'engrange pour le principe. Tu vois, comme tu me connais, j'avais fait ma déclaration dans les règles, tout et tout. J'ai compté des petits coins de bien que j'ai par-ci, par-là. Enfin, ça me faisait plaisir de me sentir aussi possesseur. Je me disais, bien comme ça, le fils à ton père ne veut pas laisser le domaine à moins de plus. Eh bien, ne faut-il pas qu'il me trouve une crouille parcelle sur le revers du craie que j'avais oublié de compter? Ah, que veux-tu? Ouais, mais je me suis pas laissé faire. D'abord que j'y ai fait, qu'est-ce qui vous prouve qu'elle est à moi? N'avez-vous pas hérité de votre tante, n'est pas un dieu? Peut-être bien que la tante Adèle me l'avait légué, mais qui vous dit que je l'acceptais? Et la taxe de succession, vous l'avez bien payée? Oh, si chaque fois que le receveur vous envoie un papier, il fallait encore se demander pourquoi, où irait-on? Enfin, cette parcelle figure-t-elle oui ou non sur votre nom au registre foncier? Je n'ai jamais été le regarder. Et puis oui ou non, la cultivez-vous, cette parcelle? Ah, oh, vous appelez ça cultiver, monsieur le receveur, pour deux crouilles rangées d'haricots mangés de chenilles et grands comme un mouchoir de poche de pommes de terre? N'empêche que vous la récoltez, donc elle est à vous. Mais non, voyons, si j'y ai ça mis, c'est pour occuper la terre. Personne n'en voulait. Je me suis dit que ça ferait chagrin à M. Vallon de savoir inoccuper. J'ai du dévouement et de plus. Comment tout ça s'est fini? Oh, ben comme ça devait. On s'est arrangé pour la moitié des pommes de terre. Et que j'y ai dit en partant, il n'y a rien à dire, M. le receveur. Vous êtes encore bien gentil pour une parcelle qui ne m'appartient pas de me faire cadeau de ce quarteron de pommes de terre. Arrête de ça, Dick. Tu me feras encore rire avec ton histoire de parcelle. J'en avais encore l'honneur à rire. Mais c'est bien fini pour un temps. Et quoi encore? Je veux te dire ça dans le creux de l'oreille, parce qu'on ne sait jamais. Il se passe des drôles de choses par ici. Comment ça? Tu veux pourtant pas me dire que ton Élise aura obliqué dans le mauvais chemin, quoi? Ouais, en haut, pas l'Élise, tu veux rire. La pauvre, tu lui mettrais l'occasion dans la main qu'elle te demandera encore comment il faut faire pour l'empoigner. C'est pas ça. C'est la police. Comme tu y vas, toi, mon pauvre syndic. C'est que tu ne t'en rends pas compte? Depuis que ces tas de chenouilles se sont mis à vendre le pays au pays du dehors et qu'on a remis le grappin sur quelques-uns de ces schnappants, la police est partout. Voyons qu'en vue, tu te montes. Rien du tout. Si je te racontais ce qui s'est passé au café des amis, trois que je connais bien qui passaient la soirée en tapant le carton et en causant de choses et d'autres. Tout à coup, il y en a-t-il pas un qui fait « Du diable, si je deviens bête, mais regarde-moi le portrait, M. Rouchonnet. » C'est bien le portrait de Louis Rouchonnet qui est pendu à côté du porte-journaux. Et tu regardes ce portrait, eh bien tu ne me croiras pas, il avait les yeux qui bougeaient. Et alors? Eh bien c'était un agent de la sûreté qui était là, puis qui avait trouvé ce stratagème pour les épier. Caviste, tu veux m'en faire croire? Parle seulement comme je te dis. Et puis que c'est pas tout. Oh, mais maintenant que tu m'en parles, il me revient tout à coup quelque chose. Après de gouverner tout à l'heure, j'étais monté sur le trapon pour décrocher un sac. J'ai entendu un drôle de bruit dans la paille. J'ai cru que c'était le chat. Peut-être bien que c'était un agent. Tu vois bien? Je te dis qu'ils en mettent partout. Ce qu'il faut surtout surveiller, paraît-il, c'est les pendules à buffet. Ils en ont des petits qui tiennent juste dedans. Mais que veux-tu? Ça n'est peut-être pas des vilaines gens, mais... Que veux-tu, ça? Ça doit gagner sa vie. Ça gagne tant par rapport qu'ils font. Alors ils te font des rapports à tort et à travers. Comme ça, honnête ou non, tu n'es plus sûr de rien. N'ont-ils pas coffré l'autre jour un conseiller municipal de Berne? Pas possible. Le soir, il se promenait avec un père d'amis, dans par Lausanne. Attends, ça c'est vrai. Faut bien le dire, un café sud. N'ont-ils pas eu la curiosité de chanter une sérénade au major d'Avel du château? Tu sais comme ils sont, ces Bernois. Cette affaire du major les tracasse quand même. Ils se mettent donc à chanter à quatre voix. Pas trop mal, à ce qui paraît, vu l'heure. Mais c'était naturellement pas toi du Soumiswald. Ils n'avaient pas fini le premier verset qu'ils étaient cernés, pris, les menottes aux mains. Malheureux, tu les vois d'ici, ils se défendaient comme des diables. Toujours dans leur patois, bien sûr. À quoi ces agents ne comprenaient rien? Heureux qu'un citoyen de Lausanne est venu à passer par là qui comprenait ce jargon. Du diable quand il fait du mal, c'est Bernois qui l'a fait. Des Bernois? Des Bernois que je vous dis. Et si je m'y connais, j'ai fréquenté dans le temps à Langueneau. Oh, quand vous aurez tout dit qu'ont fait les agents relâchant leur monde. Que voulez-vous? On avait pris ce patois pour des langues orientales. Mais enfin, me diras-tu, Caviste, ce que tu as à craindre de cette police? Quand on est propre, quand on n'a rien à se reprocher. Mais qu'est-ce que je me dis, syndic? Eh bien, quand même! Aurais-tu peut-être quelques petits riens à te reprocher du côté de la neutralité? Pense-tu, comme tu me connais. C'est comme toi, syndic. Avais-tu quelque chose à te reprocher du côté du receveur? Non, ma foi. charrette, et voilà encore ce pendule qui profite qu'on cause pour prendre le maraudin. On n'est pourtant pas le jour pour se mettre en retard. Surtout que la Mélanie, les oreilles ont dû lui sonner ce soir. Ouais. Alors je m'en vais. Au revoir. Au revoir, syndic. Bonsoir, et dans 15 jours. Thank you.